Laurette, par Paul de Musset. J'allais à Maintenon, la semaine passée, avec trois artistes de mes amis. Vers 8 heures du soir, la diligence de Chartres, où nous étions, s'arrêta devant une auberge à Rambouillet. Des moissonneurs, réunis au fond d'une cour, écoutaient un beau récit du garde champêtre avec tant de sérieux et d'attention que notre curiosité en fut excitée. Le narrateur parlait lentement à cause de sa pipe en corne de serre pour laquelle il avait des égards et qu'il ne voulait pas laisser éteindre, ce qui l'obligeait à placer au milieu de ses phrases des césures fort pittoresques. La rudesse naïve de son langage serait inimitable. Je raconterai donc, comme je pourrais, l'histoire intéressante de la belle Laurette. Parmi les soldats de la vieille garde à qui Napoléon fit ses adieux dans le château de Fontainebleau, était un grenadier nommé Jean-Pierre, dit bravard, et qui pleurait en perdant son empereur. Jean-Pierre était natif de Rambouillet. Il reparut dans cette ville après 8 ans de campagne et devint l'admiration des voyageurs et des habitants par ses discours merveilleux. Comme il était encore vert et robuste, il plut à une jeune fille du pays qui cachait dans son alcôve une mauvaise image de l'exilé. Le jour qu'il se fit poudrer et qu'il mit la culotte blanche pour se marier, bien des fillettes, charmées par sa bonne mine et sa croix d'honneur, jurèrent de n'épouser que des militaires. Maître Bravard était un homme ponctuel. En 3 ans, il devint père de 3 enfants, et comme il avait épousé une femme sans dot, il chercha de l'emploi pour soutenir cette lourde charge. Un député libéral lui fit obtenir une place de garde forestier dans le domaine d'un prince qui ne partageait pas l'aversion des Bourbons pour les anciens serviteurs de l'usurpateur. Jean-Pierre dut à son zèle et à son activité un avancement rapide. Les envieux l'accusèrent d'avoir souvent épargné de pauvres maraudeurs poussés par la misère. Mais ces calomnies ne l'empêchèrent point d'être créé garde général. Bientôt le grenadier sentit l'ambition chatouiller son cœur. À force de se remuer, il s'introduisit dans la bonne société de la ville. Ses 3 filles entrèrent parmi les demoiselles de la Légion d'honneur avec des demi-bourses, et M. Bravard devint inspecteur des forêts et propriétaire d'une maisonnette agréablement située. Au bout de 15 ans environ, il conduisait au bal de la sous-préfecture 3 charmantes danseuses que leur beauté, leur grâce et leur excellente éducation rendirent célèbres dans tout l'arrondissement. Un Américain extrêmement riche épousa l'aînée de ces jeunes filles et partit avec elle pour la Nouvelle-Orléans. La seconde eut le bonheur de faire perdre la tête au colonel du régiment en garnison, de sorte qu'elle se vit aussi menée à l'église au milieu d'un brillant appareil et au son des trompettes, ce qui inspira au père Bravard une confiance parfaite dans les bonnes intentions du hasard. Le régiment ayant changé de résidence, Jean-Pierre, dont la femme était morte depuis longtemps, se trouva seul avec sa dernière fille, la plus jeune des 3. Laurette avait les plus beaux cheveux blonds et les plus blanches mains du département. Trop simple et trop sensée pour se laisser étourdir par l'exemple de ses sœurs, elle disait avec raison que la fortune étant venue frapper à 2 reprises à la porte de son père, il ne fallait pas compter sur une 3e visite. Elle ajoutait que de grandes richesses ne suffisent pas au bonheur, que l'Américain millionnaire avait quelques 10 ans de trop, et bien des cheveux de moins, que le colonel était fort brave, mais criblé de blessures et d'une humeur tyrannique. Un garçon plus jeune, plus aimable et moins glorieux, lui semblait préférable et moins difficile à trouver. Cependant, l'ambitieux Jean-Pierre, aussi fou que l'aurait été sage, avait résolu de ne donner sa dernière fille qu'à un grand seigneur. Souvent, après avoir longuement causé avec sa bouteille, le vieux soldat déraisonnait vers le soir. Il parlait alors avec mépris des jeunes gens qui voulaient plaire à Laurette. Il discutait gravement sur le mérite et la fortune des plus hauts personnages. Et le fils d'un pair de France n'était plus à ses yeux qu'un parti médiocre. Maître Bravard se promenait incessamment par la ville avec sa belle-fille au bras. Toutes les fenêtres de sa maison restaient ouvertes pendant que Laurette chantait les romances nouvelles ou qu'elle jouait sur le piano les herbariers à la mode. Les années s'écoulaient ainsi dans l'attente, sans que le moindre prince ou le plus humble pair de France s'occupât de Laurette, dont la beauté s'épanouissait pourtant chaque jour avec un nouvel éclat. La jeune fille ne s'ennuyait point de la solitude. Jamais à l'église, ses yeux bleus ne quittaient le livre d'heures pour se tourner vers la foule curieuse des garçons du pays. Et pourtant, on venait de loin, admirer son charmant visage et sa taille svelte. Laurette souriait des folles manies de son père, elle le plaisantait sur son ambition, elle lui récitait la fable du héron de la fontaine. Mais monsieur l'inspecteur entrait en fureur et disait que les poètes étaient des sots. Puis elle allait à la cave chercher une bouteille, et son imagination s'échauffant par degrés comme celle de Picrocole, il briguait le portefeuille de la guerre, il parlait d'équipage, d'hôtel à Paris et de présentation aux Tuileries. Le premier prétendant qui demanda la main de Laurette fut le major des dragons, l'un des cavaliers du régiment portant le mieux la moustache et la veste de petite tenue. Jean-Pierre répondit à la demande par un éclat de rire. « Vous êtes jeune, monsieur le major, dit-il avec ironie, et vous ferez votre chemin, j'en suis sûr. Revenez me voir quand vous serez lieutenant général, et si ma fille n'est pas encore mariée, je vous permettrai de lui faire la cour. Mais jusque-là, vous n'avez pas besoin de vous mettre en frais d'esprit, car ma porte vous sera fermée. » Le major, piqué au vif, répliqua du même ton que, sans être général, il trouverait mieux que la fille d'un garde-chasse, et il sortit au bruit des jurements du vieux Jean-Pierre. Un second parti ne tarda pas à se présenter. C'était le vérificateur des poids et mesures. Il offrait à la belle Laurette son cœur, ses 40 ans et ses 1500 francs d'appointement. Les bras lui tombèrent d'étonnement lorsqu'il essuya le refus le plus formel. « Pensez-y bien, monsieur Bravard, disait-il d'un air capable. Je suis employé du gouvernement. J'ai 20 ans de service et des droits à une retraite. Ma famille me laissera un jour 800 livres de rente. Je doute que vous trouviez jamais un gendre plus favorisé de la fortune. » Mais Jean-Pierre, ayant sèchement répété son refus, le vérificateur s'en alla persuadé que le bonhomme perdait la raison. 3 autres soupirants arrivèrent encore, et comme ils eurent le même sort que les 2 premiers, les prétentions de Maître Bravard firent jaser tout le pays. La malice du public se tourna aussi contre la sage Laurette. On l'accusa d'avoir inspiré ses orgueilleuses pensées à son père. Les jeunes filles ne voulaient plus parler à une personne assez fière pour mépriser les hommes les plus recherchés de la ville. Les prétendants repoussés trouvèrent des femmes. Personne ne va plus jouer aux cartes avec le présomptueux Jean-Pierre, et la voix fraîche de Laurette n'attirait plus de temps à autre sous les fenêtres que les passants indifférents. Plusieurs années d'isolement avaient un peu calmé la tête de Bravard lorsqu'un événement inattendu vint réveiller ses espérances. Une chaise de poste versa un soir sur la route de Chartres. Dans cette voiture se trouvait un jeune Anglais qui accepta l'hospitalité gracieusement offerte par l'inspecteur. L'œil de Jean-Pierre reconnut tout d'abord sur ce voyageur les indices qui révèlent une haute position dans le monde. Bravard fut ébloui par les manières distinguées, le costume élégant et le langage correct de son hôte, dont l'accent étranger ne manquait pas d'agrément. Pour le commun des gens du continent, l'Angleterre n'est peuplée que de millionnaires. En regardant le voyageur contusionné baiser la main de Laurette, qui lui offrait un verre d'eau sucrée, Maître Bravard murmurait entre ses dents. « Pour le coup, je crois que j'ai trouvé le gendre qu'il me faut. » La chaise de poste était fort endommagée, et les charrons demandèrent 2 jours pour la mettre sur pied. Jean-Pierre insista pour garder le jeune Anglais chez lui pendant ce temps. La plus belle chambre de la maison fut préparée, le meilleur vin tiré de la cave et les fruits les plus mûrs arrachés de la treille. En diplomate habile, Maître Bravard s'informa, le verre en main, du nom et de la fortune de son hôte. L'étranger, qui s'appelait Goldsmith, parla négligemment de sa famille, qu'il assura être l'une des plus riches de Londres. Monsieur Goldsmith, le père, était, disait-il, un banquier fameux qui laissait à ses enfants le loisir de voyager et de jouir des biens amassés pour eux. On vivait pour rien en France. Mais en Angleterre seulement, on connaissait le véritable luxe. Souvent, on mangeait à Londres des cerises de France à 1 guinée la pièce. Jean-Pierre ouvrit de grands yeux en apprenant que la guinée valait 25 francs. Décidément, pensa Bravard, c'est le gendre qu'il me faut. Voici le moment de faire briller ma fille. Pendant que Laurette chantait, Maître Jean-Pierre s'endormit dans son fauteuil, l'estomac plein de liqueurs avalées pour la gloire de l'Angleterre. Quand il s'éveilla, les 2 jeunes gens causèrent voix basse en respirant l'air du soir à la fenêtre. Ils parlaient du bonheur de voyager en compagnie d'une personne aimée, des plaisirs qu'on trouve l'hiver dans les capitales, des fêtes de Paris, de la musique et des danses de l'opéra, des montagnes de la Suisse, du beau climat de l'Italie, et de 100 autres choses inconnues à la pauvre Laurette, dont le cœur tressaillait doucement, tandis que ses yeux regardaient obstinément la lune avec une distraction affectée. Jean-Pierre sut retenir adroitement son hôte en lui proposant une chasse dans les bois réservés de Rambouillet. La chasse terminée, il fallait bien rester un jour encore pour se remettre de la fatigue. L'anglais ne parlait plus de son voyage, ce qui remplissait de joie l'honnête Brabard. 15 jours s'écoulèrent ainsi. Les commères de la ville ne se gênaient point pour gloser sur cette affaire. On disait hautement partout que l'inspecteur avait vendu l'honneur de sa fille à un lord. Le curé de la paroisse accourut chez Jean-Pierre pour l'avertir de ses propos outrageants et le prier de veiller sur la réputation de Laurette. « Vous pensez donc, demanda le père, qu'il est temps de songer au mariage ?»« Sans doute. Mais quelle probabilité qu'un jeune homme si riche veuille épouser votre fille ?»« Ventre bleu, c'est parce qu'il est riche que je consens à la lui donner. Suivez-moi, nous allons tirer cela au clair. » Bravard entraîna le curé dans son jardin, où se promenait le jeune homme donnant le bras à Laurette. « Tenez, monsieur Goldsmith, voilà le curé qui me reproche mon imprudence. Il dit que ma fille sera déshonorée si vous ne devenez pas mon gendre. « À quand donc la noce ?»« À demain, s'il est possible, » répondit l'anglais avec un flegme britannique. Le curé fit 3 pas en arrière. « Ne vous étonnez point, » poursuivit Goldsmith. « Mon intention était de demander aujourd'hui la main de mademoiselle. J'ai envoyé ce matin mon domestique à Paris pour acheter la corbeille et une parure de mariage. Voici les papiers nécessaires. Vous pouvez publier les bons demain. » Jean-Pierre sauta au cou du gendre. « Vous me conduirez à Londres avec ma fille, mon cher Goldsmith, si vous le désirez. Dans votre château ?»« Dans mon château. Nous recevrons la meilleure société, la meilleure. Vous me mènerez en carrosse ?»« En carrosse. Touchez-la. Je suis le plus heureux des hommes. » Dans son aveugle confiance, Brabard ne voulait prendre aucune information sur le prétendu. Le curé se chargea de ce soin. Il écrivit à la hâte en Angleterre. Il apprit qu'il y avait en effet à Londres un riche négociant du nom de Goldsmith, que l'un des fils de ce négociant était en France, et selon toute probabilité à Paris ou dans les environs. Le curé, ne voyant plus d'objection au mariage, les bans furent publiés et le jour de la cérémonie fut arrêté. Cependant, la veille de ce beau jour, la corbeille n'était pas arrivée. Victorine et Herbeau avaient manqué de parole. Il fallait trouver une robe de noces dans la ville. Des ouvrières passèrent la nuit à l'ouvrage. Une dame prêta son voile de dentelle, et l'unique orfèvre de Rambouillet essaya de vieux anneaux, un peu trop larges, pour les doigts mignons de Laurette. Le mariage fut enfin célébré. On accourut de Versailles et d'Épernon pour voir la belle-fille de Rambouillet dont les charmes étaient célèbres. Jamais Laurette n'avait paru si jolie. Un murmure d'admiration l'accompagna de l'église à son logis. « L'heureuse famille que c'est Bravard !» répéta la foule. « L'heureuse créature que c'est Laurette !» pensaient les jeunes filles. Jean-Pierre, ivre de joie, tenait les discours les plus extravagants et frappait sur l'épaule les autorités municipales avec un air de protection. Il était impatient de quitter sa petite ville pour la capitale de l'Angleterre. Il suppliait son gendre de partir immédiatement. Mais le jeune homme désira rester pendant la première semaine de la lune de miel et Laurette ne pouvait quitter sans quelques regrets sa maisonnette tranquille et son jardin. Le 6e jour, vers 10 heures, M. Goldsmith, laissant son beau-père et sa femme au logis, s'en alla dans la ville. Il était sorti depuis 10 minutes à peine, lorsqu'une chaise de poste passa rapidement devant la maison de Jean-Pierre. Des éclats de rire, mêlés au bruit des roues sur le pavé, arrivèrent jusqu'aux oreilles de Laurette. À minuit, le mari n'était pas revenu. Bravard parcourut toute la ville sans pouvoir le rencontrer. Il avait disparu. Les belles espérances de Jean-Pierre Bravard s'étaient envolées comme ceci. Le narrateur lança une dernière bouffée de fumée que le vent porta dans les airs en tourbillon léger, puis il vida sa pipe sur le banc de bois. « On ne l'a donc jamais revu ? » demandai-je. « Jamais. » Le vieux père l'a cherché partout. Ce Goldsmith est un gaillard qui s'amuse depuis longtemps à courir le pays. Il épouse à droite et à gauche une légion de jolies filles qu'il abandonne au bout de 8 jours. Il a pour le moins 4 femmes en Angleterre, et le banquier Goldsmith n'est point son parent. En apprenant cela, Bravard a jeté son bonnet en l'air, et il a dit tant de folie qu'on l'a placé par faveur dans un hôpital où il déraisonne encore. Et Laurette ? Laurette est restée toute seule dans sa maisonnette, ici près. La pauvre fille a un enfant beau comme le jour et qui ressemble à M. Goldsmith. Elle passe sa vie à la fenêtre pour voir arriver les chaises de poste. Mais elle attendra longtemps la malheureuse. et puis comme la route est très fréquentée, elle a fort à faire. Si vous voulez l'entendre chanter, je gage qu'elle est à 7 heures devant son piano. Suivez le chemin jusqu'à la dernière maison à votre droite. Allons-y, dis-je à mes compagnons de voyage. Messieurs, en voiture, cria le conducteur, ou je vous laisse à Rambouillet. Eh bien, nous restons. Nous marchâmes en silence jusqu'à la maison de Jean-Pierre. Le garde ne nous avait pas trompés, Lorette faisait de la musique. Sa voix me parut vibrante et agréable. Afin de l'attirer à la fenêtre, nous chantâmes en chœur le duo du Contori. Dans ce séjour calme et tranquille, s'écoulent nos jours innocents, et nous bravons dans cet asile les entreprises des méchants. Elle parut. Je vis une taille très belle, de nattes de cheveux soigneusement arrangées, une attitude gracieuse. Elle ferma la fenêtre dès que le chant fut achevé. « Voilà une jolie veuve à consoler, » disions-nous en rentrant à l'auberge. « Si vous êtes resté pour cela, » répondit le vieux garde qui jouait au piquet avec un gendarme, « vous auriez mieux fait de monter en diligence, car Lorette est sauvage en diable. Tous les messieurs du pays se sont cassés le nez à sa porte. Elle ne sort jamais et ne reçoit personne. Aussi on la laisse en repos, à présent. « Bon, » repris-je, « avant 3 mois, un officier galant aurait escaladé ses fenêtres. Un officier, elle ne peut pas les souffrir. Eh bien, ce sera le fils du maire ou un rusé commis voyageur. » Le garde champêtre secoua les oreilles pour faire entendre que nos propos ne méritaient pas une réponse. « Il faudra pourtant que son malheur finisse, » ajoutai-je. « Et il finira aussi, mais non pas comme vous le croyez. Et comment, s'il vous plaît ?»« Par sa mort. » Le lendemain, nous admirions le château de Maintenon, et les souvenirs qu'il rappelle nous avaient fait oublier Lorette. Paul de Musset.